Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Salim Smiley. Enchanté Sofiane, merci de ton appel. Enchanté Salim, enchanté. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Ah bah je l'attendais depuis. Enfin, est-ce que je l'attendais encore? Presque plus, mais j'y croyais encore parce que je suis quelqu'un d'optimiste et qui rêve encore. Tu vois, je savais que tu allais tôt ou tard m'appeler. Écoute, moi, j'ai qu'une parole. Quand j'ai dit à quelqu'un, on va faire un épisode, je le fais, il n'y a pas de souci, j'ai qu'une seule parole. Et j'invite les gens, d'ailleurs, les humoristes, tout ça, je les invite, je l'avais déjà dit dans un autre épisode, je les invite vraiment à me contacter si jamais ça leur dit de venir raconter quelques anecdotes, quelques galères. C'est avec grand plaisir, les humoristes, nous sommes une grande famille. Même si des fois, il y a quelques coups bas, on reste quand même une grande famille. C'est avec plaisir que je te reçois aujourd'hui dans le podcast. Donc, tu avais justement une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ? Bah, une, surtout une, ouais. Enfin, j'en ai deux belles anecdotes qui se ressemblent un peu. Mais ouais, j'en ai deux. Je ne sais pas toi si tu l'as déjà fait, mais vraiment, je pense le pire pour un humoriste, et ça, j'ai envie de dire, ne l'acceptez pas, mais avec du recul, c'est de jouer pour des galas. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça, pour des galas un peu humanitaires, caritatifs et tout. Oh, et, oui, je l'ai déjà fait, mais enfin, Dieu merci, j'ai eu de la chance, ça s'est bien passé. D'accord, franchement, tu as eu de la chance. Bah, moi, je suis un vrai chat noir alors, parce que j'en ai fait deux, si tu veux. Le premier, c'est un gala caritatif à Lyon, les deux se passent à Lyon, et dans des grandes salles, tu sais, les grandes salles de mariage rebeu, là, tu vois. Et en fait, la sauce, elle organisait une collecte de fonds pour envoyer du matériel et tout pour un orphelinat en Algérie. Ah, d'accord. Et donc, du coup, l'idée, c'était repas. Enfin, il y avait un défilé de mode, repas, passage stand-up et ensuite soirée avec un célèbre chanteur, Cheb Arès, pour les connaisseurs de Rai, tu vois. Donc, grosse tête, le mec, tu vois. Je ne connais pas comment tu dis, Cheb Arès ? Cheb Arès, ouais. Il est assez connu en Algérie. D'accord. Non, moi, je connais son cousin qui bosse aux États-Unis dans la musique, qui est Calvin Harris. Ah, ça, c'est la version, celle avec la carte verte. L'autre, c'est passeport vert. C'est pas pareil. C'est ça. Ah non, mais je connaissais pas du tout. Je connais beaucoup de Cheb, mais celui-là, je le connais pas. Il y avait musique, il y avait mode, il y avait de l'humour, il y avait tout, quoi. Voilà, il y avait tout. Et après, ça finissait en soirée dansante et tout, tu vois, soirée couscous. Et du coup, on y va. Et c'était, mais blindé. Il y avait peut-être 300 ou 400 personnes. Grande salle, déco de ouf et tout. Franchement, on est super bien reçus et tout. Et j'étais accompagné avec Farouk. Et Farouk, lui, il fait beaucoup d'impro. Et comme c'était un peu couscous et tout, lui, il fait beaucoup d'impro avec les rebeux et tout. Donc, il me dit, bah vas-y, Salim, ce qu'on fait, je commence, je présente. Tu fais ton passage et après, moi, je conclue derrière. Je lui fais, vas-y, nickel. Et du coup, bah, il monte sur scène, arrivé notre passage, il nous annonce. Donc, Farouk monte sur scène, il prend le micro et en fait, tous les micros avaient été réglés pour les chanteurs de rail avec des échos. Et j'ai dit, bon, bah, perdu pour perdu, on y est, tu vois. Mais il n'y avait pas moyen, genre, de demander à la régie de faire un truc Il n'y avait pas moyen, on ne pouvait rien faire, c'était déjà touché. Les mecs, apparemment, ils étaient venus faire les balances l'après-midi et ils avaient passé en gros plusieurs heures. Et le DJ qui était là, il me disait, enfin l'espèce de responsable régisseur audio, il disait, les gars, c'est impossible de toucher quoi que ce soit. Les mecs, si on touche un truc, ils vont nous tuer, quoi. Et il faut dire pour les auditeurs qui ne sont jamais allés dans un mariage oriental que chez nous, les chanteurs, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écho dans les micros. Beaucoup. Ah oui. Mais c'est-à-dire que tu vas au mariage le samedi, l'écho, il se termine à peu près le lundi matin quand tu vas au taf. C'est ça, il te suit, l'écho te suit. C'est un écho suiveur. Je jure. Et donc, comment vous avez fait? Parce que c'est impossible de faire du stand-up avec ça. Ah là, mais laisse tomber. Et puis en plus, la configuration de la salle, c'est comme si c'était une soirée dansante. Ils avaient mis les tables après la piste de tente, donc on était loin déjà de la scène. Et donc déjà, pour capter les gens et tout, c'était compliqué. Et bon, bah du coup, bah, moi, il m'annonce, je monte sur scène, je commence et tout, et je vois qu'on m'écoute pas, en fait. Mais pas du tout. Est-ce que les gens mangeaient en même temps? Ouais, les gens mangent en même temps, donc c'est le alors, truc c'est, horrible. C'est de là que ça, vient le problème. Horrible. C'est de là. C'est pas le côté gala et tout, je pense pas. Je pense que c'est plutôt le côté bouffe. Quand les gens mangent en même temps qu'un spectacle, ils ne peuvent pas y prêter. Tu peux pas faire deux choses à la fois. Pas possible. C'est impossible. De la musique, tu peux, tu vois. De la musique en fond, tu peux, tu manges, tu apprécies la musique, il y a pas de souci. C'est ça. De l'humour, c'est impossible. C'était. Et là, du coup, et moi devant moi, j'avais la table du musicien, du chanteur de Cheb Arès, était en face. Lui, par contre, il m'écoutait. Il était là et puis il m'écoutait, tu vois. Et je commence à faire mon passage. Et là, il y a ces musiciens qui montent sur scène et qui s'occupent de préparer leurs instruments, tu vois. Et je dis, ah ouais, en fait, les mecs, zéro respect, tu vois. Et je dis, bon, bah, Salim, il te reste qu'une chose à faire. Du coup, tu sais, j'ai un personnage, Chef John. Je sais pas si tu te rappelles, tu l'as déjà vu, où c'est un chanteur de variété française, mais du bled, tu vois, sans papier. Et donc, du coup, bah, je dis, bah, Salim, tu sais quoi, arrête toutes tes vannes et balance ton Chef John, quoi. Oui, bah oui, parce donc, que là, du coup, le micro, il était correct, quoi. Ouais, le groupe, pour le coup, il était correct. Donc, du coup, j'ai rattrapé la sauce comme ça, j'ai basculé sur du Chef John et j'ai sauvé les meubles, tu vois. Et j'ai eu des applaudissements sur les premières tables. Ceux du fond s'en foutaient, mais ceux qui étaient devant. Et c'était royal, quoi. D'accord, mais bah, bon, bien joué. C'était un long moment de solitude. Vois, comment je vais m'en sortir. Et c'est, par contre, ce qui est bien, c'est que ça t'apprend à pas lâcher l'affaire. Et de toute façon, quand il t'arrive une galère comme ça, que tu sens que tu es au bord du précipice, tu vois, du bide, tant que tu n'es pas tombé, tout est jouable. Ouais, bah bien sûr. Tant que tu as du son dans le micro et que tu peux enchaîner avec de l'impro, ou toi, tu avais un personnage qui est tombé pile dedans, donc c'était parfait. Ouais, j'ai eu de la chance dans mon malheur là-dessus, c'était ça, quoi. Mais c'était éprouvant, par contre. Hein. Je sais pas, enfin, psychologiquement, c'est très éprouvant parce que ça te met la pression quand tu es dans une grande salle, tout ça, tu montes sur scène. Tu te dis, bon, bah voilà, quoi, il faut que je mette le paquet. Et une vanne, deux vannes, trois vannes, ça accroche pas. Tu as quelques rires solidaires au début, tu vois, sur les premiers rangs. Mm-hmm. Et tu te dis, bon, bah allez, je vais le faire pour eux, quoi. Ouais, je pense que tous les humoristes se reconnaîtront là-dedans. On a déjà tous joué pour deux ou trois personnes dans le public, tu sais. Tu te dis, les autres, ils sont. Ouais. Toi, je sais que tu m'écoutes et je t'aime. Tu sais, vraiment, c'est de l'amour. C'est ça. Ah, je te promets, dans ces moments-là, vraiment, la personne, t'as envie de lui dire, tu sais quoi, je t'aime, je veux que tu sois le parrain de mes enfants, je veux que tu sois dans mon testament, tu sais, vraiment, parce que c'est la seule personne, c'est le seul soutien que tu as à ce moment-là. On l'a déjà tous fait, vraiment. Tu sais, cette notion d'humanité, tu vois, il y a des gens bien encore, ils sont là. Il y a des gens bien et on espère qu'on en aura de plus en plus dans nos salles. Mais en tout cas, bien joué, hein, franchement, bien joué parce que belle galère, tu as réussi à rattraper le coup. Et donc l'autre... Et la deuxième, c'était pareil pour un autre gars là. Alors bon, pourtant, je m'étais déjà fait avoir, tu vois, mais bon. Mais je te dis, le problème vient pas de là. Le problème, et je pense que ça concerne beaucoup d'humoristes aussi, et je m'en suis rendu compte à mes dépens. Ouais. Le problème, c'est pas l'organisation. Le problème, c'est juste est-ce que les gens mangent ou pas. C'est-à-dire que moi, ce que je fais maintenant, quand les gens me font confiance, on va dire, si les gens me disent, ouais, on aimerait vous faire venir, on a un repas spectacle et tout, repas spectacle, faire attention. Mais je leur dis quoi ? Je leur dis, écoutez, aucun problème, ça ne me dérange absolument pas. Par contre, je vous demande, s'il vous plaît, soit de les faire manger avant, soit de les faire manger après, mais pas pendant. Et du coup, c'est ce que j'avais fait, moi, pour le plaisir. Il y a une autre solution aussi. Alors, à choisir, si je peux vous donner un conseil, les amis, à choisir, prenez que les gens mangent après le spectacle. Parce que s'ils mangent avant, du coup, ils sont dans la partie digestion et tout, ils vont être moins... Tu vois, ils vont être un peu somnolents. Ils sont moins attentifs, ouais. Il vaut mieux jouer avant. Si on a le choix de jouer avant le repas, c'est beaucoup mieux. Et sinon, il y a une autre solution aussi, je l'ai déjà fait une ou deux fois, c'est de dire à ce moment-là, parce que tu sais, des fois, on te dit non, on est obligé de faire en même temps. Ben, à ce moment-là, tu leur dis, écoutez, ce qu'on va faire, on va jouer entre les plats, tu vois, si vous êtes plusieurs humoristes. Il y a l'entrée, vous servez les entrées, les gens mangent. Quand ils ont fini de manger, avant d'amener le plat principal, on envoie un humoriste. Après, dès que le plat principal est servi, les gens mangent, nous on arrête. Ensuite, on envoie un deuxième humoriste. Ensuite, etc., etc. Tu vois, et tu termines après la soirée tranquille, tu n'as pas mélangé le rire et le repas, ça va. Donc, c'est des moyens de survivre. Et moi, du coup, la deuxième anecdote, pareil, bah, du coup, là, je me crois malin, je me dis, bon, là, on me propose. Là, c'était pour un gala qui est organisé pour récupérer des fonds pour financer une école d'enfants handicapés, tu vois. Ah, ça aurait été bien de financer l'album de Chef John aussi. Aussi, ouais, mais du coup, il n'était pas jugé assez handicapé pour être financé. La misère n'est pas un handicap, c'est juste une contrainte. C'est ça. En fait, ils avaient une école d'enfants autistes, mais des lourds autistes, tu vois. Et du coup, ils récoltaient des fonds pour financer cette école. Donc, c'était plutôt cool et tout. Et le gars-là servait à ça, à récolter des fonds. Et par contre, du coup, il me propose et tout. Est-ce qu'on cherche un humoriste et tout, on t'aime bien, machin, là, là, là. Ok, c'est pour les enfants et tout. Je dis, pas de problème. Je dis, par contre, moi, la seule chose, par expérience, je dis, ce que je fais, c'est que je joue pas pendant le repas. Soit vous me faites passer après ou avant, tu vois. Et ils me font passer après le repas. Je dis, ok, pas de problème. Donc. En l'occurrence, ça va. Normalement, c'est une garantie Pas... Non, franchement, c'était cool. Après, tu sais, c'était une grosse assos. musulmane, tu vois. Et donc, du coup, il y avait des imams dans la salle. Et franchement, bon, moi, ça va, je ne suis pas trop vulgaire et tout, assez cool. Et, enfin, je suis humour famille, quoi, tu vois, tout public. J'avais juste un passage sur le célibat, mais franchement, ça va bien passer. Donc, tu sais, je démarre mon passage, super, tout se passe bien et tout. Et j'allais finir sur ce fameux Chef John, tu vois, pour mettre un peu d'ambiance. Ouais. Et là, contre toute attente, il y a deux nanas, deux jeunes filles... Qui monte sur scène et qui me demande de m'interrompre. Oh, d'accord. Moi, j'avais cru que tu avais commencé à chanter Chef John et que du coup, elles étaient montées sur scène pour danser, quoi. Ah non, non, même pas. Non, non, non, elles n'avaient pas le look à faire les danseuses sur TikTok. D'accord. Mais même pas peur, mais pas froid aux yeux. D'accord. Donc, elles sont montées sur scène et elles t'ont interrompu. Elles m'ont interrompu. Elles me disent, oui, voilà, en fait, parce que comme on va partir, je dis, OK. Et je dis, eh, bah, je dis, bah, partez. Elle me dit, bah non, mais en fait, on voulait rendre un hommage à la directrice. J'ai fait d'accord. Et là, ouais, mais normal, comme si je n'existais pas. Ça, c'est Chapral et c'est pas Chap John. Hein. Ah oui, d'accord. Comme si je n'existais pas, tu vois. Oh. Elle est passée. Ah, d'accord. Ah ouais, là, là, moi, je me tourne vers les imams, mais je leur dis, mais là, il n'y a pas une dérogation pour mettre un coup de coude ou... Ouais. À un moment donné, le respect de l'artiste, il est inscrit nulle part. Mais attends, attends, toi, tu avais le micro. Elles t'ont pris le micro. J'avais le micro. Et en fait, non, elles ont pris un autre micro. Elles sont montées avec leur micro. Parce que j'allais te dire, si elles n'avaient pas de micro et que toi, tu en avais un, tu aurais pu les contrer, tu vois. Ouais, ouais, mais non, non, non, non, non. Elles sont montées avec leur micro. En fait, elles ont chopé un deuxième micro, bah, le micro du présentateur, tu vois. Ouais. Ils m'ont chopé. Et elles sont montées sur scène. Voilà, elles ont fait leur hommage, normal. Ouais. Et elles sont parties. Oh, okay, elles t'ont flingué, elles m'ont flingué, bah mon rythme en fait, tu vois. Et même les gens, tu vois, ça a mis un petit malaise parce qu'ils étaient gênés et tout, tu vois. Bon après ça va, j'ai rebondi dessus et tout, paf paf paf et tout. Et mais c'était ouais, c'était, on était à deux doigts de la catastrophe quoi. Et après même l'organisateur, il s'est excusé à la fin et tout, ouais, je m'excuse et tout machin. La question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi le présentateur a donné son micro. Là, c'est pas professionnel. Ben ça quoi. Après, je sais pas comment elles se sont débrouillées pour le choper, tu vois, mais. Alors peut-être qu'elles ont pris le micro et que il était posé quelque part, c'est tout. Ouais ouais ouais, je pense qu'il était posé sur une des tables, tu vois. Et mais en fait, les filles, c'est au culot quoi, elles ont. Alors qu'en plus, c'est franchement, t'es mon personnage Chef John, je finissais, il me restait 5 minutes et j'avais terminé, tu vois. Et là, paf! Alors, tout se passait bien. Ouais. Et j'ai dit, ah ouais. Et c'est pour ça. Et là, depuis, je me suis dit, bon, les galas, c'est fini. Quoi. Non, non, non. Écoute. Plus trop c'est de pas galas. Parce que... Tu sais ce que tu fais? Tu donnes deux règles. Quand tu vas jouer quelque part, tu dis, premièrement, je veux pas que les gens mangent. Et deuxièmement, je veux pas qu'il y ait dommage. Sinon, ouais, sinon, il y aura d'autres dommages collatéraux. Voilà. C'est, je veux pas qu'il y ait dommage parce que sinon, il y aura des dommages. Bien joué, bien joué. Bon, quand est-ce qu'on peut retrouver l'album de Chef John dans les bacs? Alors, Chef John, bah, dès que la réouverture de Bercy, l'Accor Arena, là, il a prévu une tournée en commençant par un premier Zénith. Ah, ben bah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien pour une carrière, pour un jeune artiste. Voilà, très, pour très lancer. Écoute, hein, on va essayer de surfer sur la vague. Je pense que les gens auront envie de sortir après le Covid. Donc, oh, totalement. Les salles auront envie de se remplir, même pour aller voir de la merde. Donc, il y a un créneau, je pense. Mais okay. Ouais, ouais, non, Chef John va bientôt arriver avec des chansons. C'est ouais, prévu. Ouais. C'est en prévu vidéo, pour le printemps. Ouais, en vidéo, ouais, en vidéo. Ouais. Ah, c'est cool. Et sinon, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Instagram, principalement. Ouais, j'ai que ça, que Instagram. Page Facebook, peut-être, non? Non, j'ai plus. Non, non, j'ai arrêté Facebook. Parce qu'il plafonne à 5000 abonnés. Et ouais. C'est pas suffisant. Ah oui, Chef John, hein, Chef John, je sais. Hein, c'est... Ouais, voilà. Voilà ouais, je te comprends tout à fait. 5000 abonnés, c'est à peine le premier rang de tes spectacles, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, en termes de jauge, voilà, c'est pas rentable. Mais sinon, tu as YouTube ou Twitter, peut-être? Ouais, YouTube. Par contre, YouTube, ouais. Chef John, Salim Smiley sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube ouais, où je mets des petits passages aussi. Et, d'accord. Et voilà, quoi. Donc, Instagram, bien, mais... YouTube. Je mettrai Instagram et YouTube, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour ces belles anecdotes. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etahi, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.